clients sont détestés. Milliers de cas de fraude avérés en Russie, alors 300 000 euros. Un mec à règlement de compte. Explosion. En bas de mon bâtiment, je crée mon couteau. Hassoul, j'écoute pas les rappeurs, c'est des foutaises. Pour des millions, on pourrait séquestrer Jean-Pierre Foucault. J'suis le genre de négro qui mange avec les mains au Fouquet. Mystique, le bouc, il vient sans être invité. J'enlève 2-3 mois, bientôt ils voudront fêter. Bagarre, coup de poing, oui, mais c'est mieux le faire. Attends, j'vais rapper comme eux pour leur montrer que j'peux mieux le faire. Bla bla bla bla. Tu vas pleurer maman quand le gun dira papa. Au fond du bus, au fond de la classe, au fond de ta gorge. Tu vas rien faire mon frère, allez remettre ta sacoche. La mifa, le Jean Harley, topo, tu n'écho, je t'apprends pas le topo. Je suis bien dans mes tépous, ouais boum sur son clinique, les porcs, Julie Lesco. Reste tranquille et fume ta caisse sur le canapé. T'as pas d'argent cousine, personne va kidnapper. Reprise de volée façon gardien de la paix. Je raconte pas la vie des gens, je préfère me la raconter. 9-1-2-3-0-9, un Jesta. Bientôt tu me fileras mon cachet pour être Jesta. Je le vois sous civil avec son bajesta. Sommeil, j'ai pas sommeil. Sommeil, sommeil. Je vise le sommeil. Yoman pour la Yema, j'ai pas sommeil. Je rouge et des rappeurs sous ma semelle. Je cours après l'argent toute la semaine. Voiture allemande, va gauche, je vais les semer. J'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil, sommeil, sommeil, sommeil, sommeil. J'ai pas sommeil, j'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil, sommeil, sommeil, sommeil, sommeil.